Chapitre 14. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Putain, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Juste au moment où ma vie prenait enfin un sens. Non, je ne veux pas aller en prison, et encore moins qu'on me coupe la tête. Mais avant, saloperie de bagnole, et où je vais, là? Laisse tomber, roule, roule. Je vais passer par Rognes, et rejoindre le Luberon par Cadenet. J'irai chez Jean-Claude à Cucuron. Lui ne me posera pas de questions. Je planquerai la bagnole dans sa grotte, je me couperai les cheveux, et je changerai de couleur. Mon Dieu, si tu existes, je t'en supplie, sauve-moi. Fais que je puisse profiter de Magali, mon amour, ma vie. Elle m'a montré son corps, qu'est-ce qu'elle est belle. Je ne peux pas quitter tout ça pour un connard de flic qui fait du zèle. Dès la première fois, il m'a inspiré de la méfiance. Je le sentais pas, ce mec. Trop lisse, trop poli, trop beau, trop tout, quoi. Pas le moindre intérêt pour moi, ce fourbe. Remarque, parce que j'en ai à foutre de la vie des mecs. Allez, avance, saloperie de bagnole. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là, avec son tracteur? Il va me laisser passer, non? J'ai la priorité, faut pas déconner. Mais c'est qu'il avance, ce con. Il va traverser. Arrête-toi, merde! Maman, putain! L'interne examina la blessure de Volpi sous l'œil attentif de Magali qui n'en perdait pas une miette. Bon, c'est pas bien méchant. Mais je ne peux pas mettre de point. Ce n'est pas une coupure, c'est le derme qui a été arraché. Il va falloir attendre qu'il repousse. Il coupa court les cheveux autour de la plaie. Ne vous inquiétez pas, ceux du dessus couvriront la cicatrice en attendant que tout repousse. Vous devrez changer de pansement régulièrement et ne pas vous laver la tête pendant 3 semaines au moins. C'est vous qui lui ferez les pansements ? Demanda l'interne à Magali. Oui, bien sûr. Il faudra faire contrôler la plaie par le médecin traitant une fois par semaine. Bien évidemment, je suppose que vous n'êtes pas vacciné contre le tétanos. Devant la moue dubitative de Volpi, l'interne alla chercher un vaccin. Puis il lui plaça un fin bandage autour du crâne qui le faisait ressembler à un champion de tennis ou un indien. Allez, voilà l'ordonnance pour les pansements. Et vous devriez aller mettre un cierge à la bonne mère, plaisanta-t-il. Pendant qu'il sortait des urgences, Volpi ne se doutait pas que Sonia était admise en service chirurgie du même hôpital, un étage supérieur. Arrivé au central, toujours flanqué de Magali, Volpi fit sensation. Il supporta les colibés du genre « Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir une médaille ?» ou encore « Jouer au cow-boy comporte des risques. » Un des gardiens eut même le front de lui apporter une plume de pigeon qu'il avait ramassée sur la place. Pour clôturer la série, il eut droit à un coup de fil du proc. « Bravo, Volpi. Grâce à vous, la meurtrière est coffrée. D'un peu, c'était dans un coffre en sapin, d'ailleurs. Mais décidément, vous ne pouvez rien faire comme les autres. Vous utilisez même des auxiliaires de l'agriculture, maintenant. » Volpi ne comprit pas la dernière allusion du proc et c'est Michaud qui, se retenant de rire, lui expliqua comment on avait arrêté Sonia. Dans une ligne droite de la route de Rognes, la D543, un brave paysan ne trouva rien de mieux que de traverser la route d'un côté à l'autre avec son tracteur, sans s'apercevoir qu'une voiture arrivait à vive allure. Le tracteur percuta la voiture dans l'aile avant-gauche et sous l'effet du choc, la portière conducteur s'ouvrit, envoyant Valdingue et Sonia dans un magnifique soleil qui se termina sur l'asphalte. Michaud arriva juste à temps pour appeler les secours et empêcher les curieux de déplacer les blessés. L'agriculteur avait lui aussi fait son looping et atterri à califourchon sur le capot de son engin. Les joyeuses très certainement en marmelade. Une fois les gendarmes sur le terrain, Michaud suivit les pompiers en portant les deux blessés à Aix. Les premières radios de Sonia diagnostiquèrent une fracture du col du fémur et du bassin. La justice allait devoir attendre un bon moment avant de pouvoir être rendue. Le juge Cassard appela Volpi qui, d'emblée, comprit d'après le ton du juge que la bonne humeur était au rendez-vous. « Alors, commissaire, encore une blessure de guerre ? Vous tenez à tout prix à décrocher la Légion d'honneur ? Blague à part, chapeau, quel flair. En tout cas, cette Sonia nous a bien facilité la tâche par son attitude qui équivaut pour ainsi dire à des aveux. Parce qu'entre nous, Volpi, avec un ténor du barreau, tous les indices ne signifient pas forcément que ce soit elle qui ait tué les deux filles. En revanche, pour le maçon italien et l'agression de l'infirmier, c'est différent. Quant à la piste, elle reposait sur 3 cheveux et du vernis à ongles. Ah, le jour où, pour être sûr que tel cheveu appartient bien à telle personne, la justice fera un grand pas, je vous le dis. Vous irez l'entendre à l'hôpital, monsieur le juge? Oui, dans un ou deux jours, je pense, avec mon greffier. » La soirée tirait à sa fin. Volpi proposa à Magali de la raccompagner chez elle. « Ton père va s'inquiéter, tu ne crois pas ?»« Que non, » affirma-t-elle. « Pendant que tu barjaquais au téléphone, j'ai appelé Valentin et lui ai demandé de dire à mon père que je passais la nuit à Aix, chez une copine. « Ah ? Et tu penses que... Écoute, mon beau, s'il y a plus de 30 ans, je ne peux pas faire ce que je veux. Je n'ai plus qu'à me flinguer ou à prendre le voile. Ce soir, mon biquet, je suis tout à toi. » « Eh oui, c'est comme ça. Tu ne peux pas te défiler. » Après 3 secondes de réflexion, Volpi lui prit la main et l'entraîna vers son domicile. « Viens, ma merveille, je vais t'emmener dans mon antre pour te croquer toute crue, et tu ne pourras appeler personne. » Magali fut assez surprise de l'exiguïté du logement de Volpi. Dès qu'elle lui mit un pied d'autorité, elle déplaça un objet, retapa un coussin, tira le couvre-lit, puis finit par se laisser tomber dans le canapé. Volpi sentit qu'un petit câlin préliminaire serait certainement le bienvenu. Ensuite, ils iraient peut-être dîner, si Volpi n'avait pas peur de passer pour un peu ridicule, et puis encore après, il n'y aurait certainement que de bonnes surprises. 3 jours plus tard, comme il l'avait prévu, le juge se rendit en début d'après-midi dans la chambre de Sonia, accompagné de son greffier, M. Spins. Volpi fut autorisé à assister à l'interrogatoire. Sonia était allongée sur le dos, recouverte d'un drap à hauteur du bassin. Les bras le long du corps, dans sa posture de repos favorite, les cheveux épars et pendus sur l'oreiller comme une vaste auréole, le teint cireux. Elle avait vraiment l'air d'une pocharde qu'on aurait ramassée au bord d'un trottoir. Toute superbe perdue, elle faisait presque peine, même si elle avait ôté la vie de 4 personnes. « Madame Barle, êtes-vous en état de me parler ?» demanda le juge. « Vous êtes mise en examen et il s'agit d'une audition, vous avez bien compris. Tout ce que vous allez dire va être consigné. » « Je le sais, » répondit Sonia d'une voix relativement ferme, sans bouger la tête, le regard fixé au plafond. « Je n'ai plus rien à perdre, et je suis prête à tout vous raconter. »« Nous ne vous connaissons pas, Madame Barle. Pourriez-vous nous raconter un peu vos origines, votre enfance, enfin, votre histoire, vous voyez ?» demanda Cassard d'une voix douce. « Ma famille est de Barle, dans les Basses-Alpes, et c'est peut-être pourquoi nous portons ce nom-là. Je suis l'aîné de 6 enfants, dont 2 garçons. Très tôt, j'ai dû m'occuper des plus jeunes, et je dois reconnaître que ma mère n'était pas une bête de travail. Elle levait trop souvent le coude et ne savait faire que des gosses. D'ailleurs, sans salir sa mémoire, je n'ai jamais été sûr que nous fussions tous du même père. Moi, c'est sûr, j'étais bien la fille de mon père, parce que je lui ressemblais. Physiquement seulement, parce que pour le reste... Comme ma mère m'avait eu très jeune, mon père avait tendance à me considérer comme sa seconde épouse, et tant que j'étais à la maison, j'ai passé mon temps à éviter le viol. Il me plottait sans arrêt, et la nuit, il m'arrivait souvent de ne pas dormir pour empêcher qu'il me surprenne. Quelquefois, c'était ma sœur cadette qui montait la garde pour moi. En plus, il y avait aussi mon oncle qui me tannait. Ils étaient tous malades dans ce patelin et se conduisaient comme des chiens en rute. Ils auraient baisé n'importe qui. Avec mes frères, je connaissais les hommes sous toutes les coutures, et avant même d'avoir essayé, j'étais déjà dégoûté des mâles. Ce sont des animaux à 3 pattes avec un crâne vide. Devant le sourire du juge, Sonia ajouta, sérieuse, « Même vous, monsieur le juge, même vous !» Enfin, toujours est-il que, dès que ma sœur cadette a été en âge de faire marcher la baraque, je me suis barré de ce pays de fous. J'ai vécu de n'importe quoi. Ramassant les légumes en saison, un jour les oignons, les autres les pommes de terre. J'ai même appris à faire des paniers d'osier que je vendais sur les marchés. Mais comment faisiez-vous pour vous loger? L'été, les buissons, l'hiver, les granges, au hasard. Ah, si j'avais voulu vendre mon cul, j'aurais toujours été à l'abri, mais ça, vous l'avez compris, c'était pas mon truc. Un jour, sur un marché, j'ai fait la connaissance d'un type bizarre. C'était à Castellane, je crois. C'était un gars qui devait venir de l'Est, plus loin que l'Italie, peut-être bien de l'Inde, parce qu'il avait la peau noire mais les cheveux raides. Il était vraiment différent des autres. Il n'a jamais essayé de poser seulement une main sur moi. En revanche, c'est lui qui m'a initié au travail des métaux, le cuivre, le laiton, même l'argent. J'ai commencé à fabriquer des bijoux et à les vendre sur les marchés. Aslam, c'était son nom, ne m'a jamais fait payer que le métal et ne me demandait rien sur mes ventes. En contrepartie, il fallait que je l'écoute pendant des heures me débiter sa philosophie à la con. Pour lui, la femme était un être presque parfait. Mais le nec plus ultra, c'était l'androgyne dont il fallait attendre la venue. Pour y parvenir, il fallait travailler sur le corps de la femme et non celui de l'homme. D'une manière générale, il n'aimait pas s'adresser directement aux femmes. Alors, pour le remercier de ses services, je devais lui amener de toutes jeunes filles, de préférence vierges et jolies. C'était assez facile pour moi sur les marchés. Je sais qu'il leur faisait boire une potion qui les endormait. Après, ce qu'il en faisait ne me regardait pas. « Vous étiez déjà complice de viol, si je comprends bien, » la coupa le juge. « Non, il ne les violait pas. De ça, je suis sûr, parce que je m'étais renseigné. » Il devait peut-être étudier comment obtenir l'androgyne, aller savoir. Il était complètement fondu, mais pas méchant. Toujours est-il que ces histoires, inconsciemment, m'ont déglingué. Dans le même temps, je me suis mise à pratiquer des massages relaxants à domicile, uniquement sur les femmes. Et là, j'ai eu une révélation. Le corps des femmes était une matière bien plus noble et attachante que le cuivre, l'argent, même l'or. En les massant, je voyais mieux les défauts, j'étudiais comment les redresser en tirant sur la peau à tel endroit ou en appuyant à un autre endroit, et je découvris que ce que j'aurais dû faire, c'était de la chirurgie esthétique, et c'était trop tard. Mais pour le maquillage et le vêtement, on pouvait faire beaucoup. Certaines clientes se laissèrent faire, mais les plus jolies refusaient souvent. C'est à partir de cette période que j'ai utilisé la potion d'Aslam. Une fois le sujet docile, j'étais aux anges. Ah, comme c'était bien et beau !